personnalism. Si t'es jolie, viens dans la chambre, chérie, allez tchou. Tu penses à qui? Moi je pense à toi tous les jours. Bébé ça tire, y'en a pour tous les goûts. On se voit au prochain rendez-vous. Tu parles de choses et Zangatina. Je n'aime que toi, wallahi bilay. Je t'emmènerai pas au village si t'es refaite comme Nabila. 2K3 c'est le maquila. 240 y'a les mila. Derrière toi, malgré toi, c'est ton cœur que je n'aille pas. Y'a dans la yacht, il y a n'a confirmé mes plans. Je confirme le plan, je confirme le plan. N'a confirmé le plan, n'a confirmé le plan. C'est toi que j'ai choisi, mon bébé. Je veux que toi, je veux que toi, je veux que toi, je veux que toi, je veux que toi. N'a confirmé plein, yeah, n'a confirmé plein. Confirmé. Avec simple bonjour, no, tu m'as rendu dingo. Va pas là-bas, y'a rien, yaga. Ici y'a tout, y'a l'amour, le sexe et les cadeaux. A go-go. N'attends pas à midi, n'a pas quoi, n'a bien, yo, mama, y'a bana. Posé, avec toi, ma chérie, je réalise, t'es mon bonheur. Y'a la yo, tiriwa, n'a confirmé plein. Je confirme le plan, yeah, je confirme le plan. N'a confirmé plan, yeah, n'a confirmé plan. C'est toi que j'ai choisi, mon bébé. Je veux que toi, je veux que toi. Je veux que toi, mon amour. Je veux que toi, je veux que toi. Je veux que toi, je veux que toi, maman. Je veux que toi, je veux que toi. Toute la soirée que nous deux. Je veux que toi, je veux que toi. Je veux que toi, je veux que toi. Je veux que toi. Carrosse.